إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc aujourd'hui c'est le cours 114 et on est dans le chapitre 40 encore. C'est Babun man jahada shay'an min al-asma'i was-sifat, c'est-à-dire le chapitre au sujet de celui qui rejette quelque chose des noms et des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui nie quelque chose des noms et des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. La semaine passée, on a fait une sorte de résumé sur le tawhid et on a expliqué les trois catégories, puis on a expliqué l'importance donc de tawhid al-asma was-sifat et que c'est un point dans, sur lequel beaucoup de gens ont dévié parmi les musulmans. Maintenant, on va continuer l'explication du cheikh et les preuves qu'il a mentionnées à ce sujet-là dans, dans ce chapitre. Il mentionne un verset qui est, c'est le verset qui dit « Wahum yakfuruna bir-Rahman » et il refuse de croire en Ar-Rahman. Donc, on va expliquer qu'est-ce que ça signifie. Hein? وقال وقول الله تعالى وهم أي المشركون يكفرون بالرحمن أي ينكرون هذا الاسم الكريم ويجحدونه. Donc le cheikh il dit وهم يكفرون بالرحمن, c'est-à-dire il renie الرحمن ou il nie الرحمن, c'est-à-dire que les mushrikoun ils refusent de croire en ce nom parmi les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils rejettent. C'est pas parce qu'ils croient pas en Allah subhanahu wa ta'ala. Ils croient en Allah subhanahu wa ta'ala, hein, ils affirment sa souveraineté, son existence, sa toute-puissance, le fait qu'il est créateur et le maître de l'univers, ils croient en ça. Sauf qu'ils refusent certains des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, parmi les noms qu'ils refusaient, c'était Ar-Rahman. Et le cheikh il dit, وَيُوَضِحُ ذَلِكَ سَبَبَ نُزُولِ الْآيَةِ وَهُوَ أَنَّ كُفَّارِ قُرَيْشِ لَمَّا سَمِعُوا رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَذْكُرُ الرَّحْمَنِ قالوا وما الرحمن لا نعرف الرحمن إلا الرحمن اليمامة يعنون مسيلمة الكذاب وذلك عندما صالح النبي صلى الله عليه وسلم المشركين في الحديبية وأراد أن يكتب الصلح ونادى علي بن أبي طالب ليكتب الصلح فقال له اكتب بسم الله الرحمن الرحيم قالوا لا نعرف الرحمن إلا الرحمن اليمامة ولكن اكتب بسم الله باسمك اللهم فأنزل الله تعالى يكفرون بالرحمن. Donc le cheikh il dit que parmi les choses qui clarifient la signification de ce verset là, il y a le sabab nuzul, c'est-à-dire la cause de sa révélation. Et la cause de la révélation de ce verset-là, c'est lors de la, du pacte ou de l'entente de Al-Hudaybiyah, lorsqu'ils ont fait le serment d'allégeance ou l'entente de paix entre les musulmans et les mushrikins à un endroit qu'on appelle Al-Hudaybiyah, hein, et ben, lorsque les kuffars de Quraysh ont entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam mentionner le mot ou le nom de Allah subhanahu wa ta'ala, Ar-Rahman, ils ont dit, c'est qui ça Ar-Rahman? On ne connaît pas Ar-Rahman. On connaît uniquement celui qu'on appelle Rahman al-Yamama, c'est-à-dire Musaylama al-Kazab, Musaylama le faux prophète. Alors, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a voulu faire écrire le contrat ou l'entente de paix avec les mouchriquins, il a appelé Ali ibn Abi Talib. Et il a dit à Ali ibn Abi Talib, écris Bismillahir Rahmanir Rahim. Et les mouchriquins ont dit, on ne connaît pas nous Ar-Rahman, on ne connaît pas ce mot-là ou ce nom-là, on ne connaît pas ça. On connaît seulement Rahman al-Yamama, celui qu'on appelle Rahman de al-Yamama, c'est-à-dire Musaylama. Mais écrit à la place, au lieu d'écrire Bismillahir Rahmanir Rahim, écrit Bismik Allahumma, c'est-à-dire en ton nom, ô Allah. Hein? Donc le Cheikh il dit, فَأَنْزَلَ اللَّهُ, donc Allah subhanahu wa ta'ala a fait révéler, a fait descendre et a révélé ce verset qui dit وَيَكْفُرُونَ وَهُمْ يَكْفُرُونَ الرَّحْمَنِ, c'est-à-dire ils refusent de croire en, au nom de Ar-Rahman. وَكَذَلِكَ لَمَّا كَانَ النَّبِيُّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَكَّةِ وَكَانَ يُصَلِّ وَيَدْعُو فِي سُجُودِهِ يَا اللَّهُ يَا رَحْمَنِ فقال المشركون لما سمعوه انظروا إلى هذا يزعم أنه يعبد ربا واحدا وهو يدعو ربين الله والرحمن. قال الله تعالى قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعو فله الأسماء الحسنى. فبين سبحانه أن أسماءه كثيرة وتعدد الأسماء لا يدل على تعدد المسمى بل تعدد الأسماء يدل على عظمة المسمى. والله جل وعلا له أسماء كثيرة. قال تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. وقال سبحانه وتعالى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. وقال تعالى في آخر سورة الحشر هو الله الذي لا إله إلا هو إلى قوله تعالى له الأسماء الحسنى. فالله له أسماء كثيرة كلها حسنى يعني تامة عظيمة تشتمل على معان جليلة. Donc le Cheikh il explique que de même que lorsque le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était à Mecca et qu'il faisait la prière, il faisait la salat et il faisait des invocations, des du'as, dans son sujoud, dans sa prosternation, il disait « Oh Allah, oh Rahman ». Donc les mushrikoun, les idolâtres, ils ont entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire « Oh Allah, oh Rahman ». Alors, ils ont dit « Regardez celui-là, il dit qu'il croit en un Dieu unique et qu'il adore un seul Dieu, alors qu'il invoque deux ». Il invoque Allah, puis il invoque Rahman. Walaykum salam rahmatullah. Ar-Rahman. Comme si on vous l'avait, Allah c'est un Dieu, puis Ar-Rahman c'est un autre Dieu. Et donc, Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre et a révélé à ce sujet-là un verset dans Surat al-Isra, le verset 110, qui dit, Allah subhanahu wa ta'ala dit, oh Muhammad, dis-leur, dis aux mushrikins, invoquez Allah ou invoquez Ar-Rahman, peu importe, il a les plus beaux noms. C'est lui, c'est à lui qu'appartiennent les plus beaux noms. Donc, c'est pas que chacun des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est un Dieu différent. Non. C'est un seul et même Dieu. Hein. Et donc, il faut, attribuer tous ces beaux noms-là à Allah subhanahu wa ta'ala parce qu'il a les plus beaux noms et les meilleurs noms. C'est les noms qui ont les meilleures significations et les plus grandes significations. Le Cheikh explique ça en disant, Allah subhanahu wa ta'ala, il clarifie que il a plusieurs noms, et la quantité de noms, le fait que Allah subhanahu wa ta'ala ait plusieurs noms, ça veut pas dire qu'il y a plusieurs dieux. Ça veut plutôt dire que si quelque chose a plusieurs noms, c'est parce que cette chose-là, elle est plus importante, elle est plus grande. Hein. Donc il donne ça comme exemple. Il dit plus que quelque chose a de noms, donc plus que cette chose-là, elle est importante. Et donc, étant donné que Allah subhanahu wa ta'ala c'est lui le plus grand, et bien c'est lui qui a le plus de noms, c'est-à-dire le plus des noms, et tous ces noms ce sont les plus beaux noms. Et il mentionne des versets qui parlent qui mentionnent ça, comme le verset 180 dans Surat Al-A'raf qui dit, et c'est à Allah qu'appartient les plus beaux noms, hein, Al-Asma Al-Husna. Alors invoquez-le par ces noms, hein, et laissez ceux qui déforment ou qui nient l'essence de ces noms, ils seront ils seront punis pour ce qu'ils font. Hein. Donc Allah subhanahu wa ta'ala va s'occuper d'eux, de ces gens-là qui font ça. Et il mentionne également un autre verset, le verset 8, dans sourate Taha, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala il dit, et il n'y a rien qui mérite d'être adoré excepté lui, hein, Allah, rien ne mérite d'être adoré excepté lui, et à lui appartiennent les plus beaux noms. Et ensuite il mentionne un autre verset dans sourate Al-Hashr, qui en fait c'est une série de versets à la fin de sourate Al-Hashr qui énumère une série de des noms parmi les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, et il commence en disant هو الله الذي لا إله إلا هو, et après à la fin il dit له الأسماء الحسنى, donc c'est pour dire qu'il a les plus beaux noms. Donc Allah subhanahu wa ta'ala il a de nombreux noms, et tous ces noms là sont bons, et ils, ça veut dire quoi, ça veut dire ils sont husna, ils sont tous beaux, et tous ces noms là sont beaux, et c'est à dire qu'ils sont d'une grandeur complète, parfaite, et ils ont des significations qui sont nobles et grandes. Et le cheikh il mentionne un autre hadith qui dit وفي الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. وفي دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك, فدل على أن أسماء الله كثيرة لا يعلمها إلا الله, فكل اسم يدعى به ويطلب منه تعالى ما يتضمنه ذلك الاسم من الرحمة والمغفرة والتوبة وغيرها. Donc le chef il dit que Allah subhanahu wa ta'ala il mentionne, en fait c'est plutôt un hadith du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui est authentique, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que Allah a 99 noms, alors celui qui les énumère il entrera au paradis. Ça c'est un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il dit que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam il disait un dua, et ça c'est un dua qui est authentique. Et dans ce dua là il disait quoi? Il disait oh Allah, je te demande par tous les noms qui t'appartiennent, par lesquels tu t'es nommé toi-même, ou que tu as révélé dans ton livre, ou que tu as enseigné à une de tes créatures, ou que tu l'as gardé dans la connaissance de l'invisible auprès de toi. Donc ça veut dire, le cheikh il mentionne ce dua du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et c'est pour dire que Allah subhanahu wa ta'ala il a plusieurs noms, et même qu'il a des noms qu'il ne nous a pas mentionnés. Il a plus que 99 noms. 99 noms c'est des noms que Allah subhanahu wa ta'ala nous a disons révélés dans la révélation, mais il a d'autres noms également qui sont cachés. C'est-à-dire qu'Allah ne nous a pas révélé ces noms-là. D'accord? C'est pour ça qu'il dit dans le dua, « أو استأثرت بي في علم الغيب عندك ». C'est-à-dire que tu les as gardés cachés auprès de toi dans la connaissance de, dans ta connaissance de l'invisible. Donc ça veut dire que c'est pas tous les noms qui sont mentionnés dans la révélation, il y en a seulement 99, les autres, c'est Allah qui les connaît seulement. وَكَثْرَةُ الْأَسْمَاءِ الْحُسْنَى تَدُلُّ عَلَى عَظَمَةِ الْمُسَمَّى. Donc, ça on l'a mentionné, que la quantité de noms, ça indique la grandeur de celui qui est appelé par ces noms-là. فَكُلُّ اسْمٍ يُدْعَى بِهِ وَيُطْلَبُ مِنْهُ تَعَالَى ما يتضمنه ذلك الاسم من الرحمة والمغفرة والتوبة, قوله فادعوه بها يعني توسلوا إليه بها في دعائكم, كأن تقول يا رحمن ارحمني, يا غفور اغفر لي, يا تواب تب علي, يا رزاق ارزقني, وهكذا. Donc le cheikh il dit que on doit invoquer Allah subhanahu wa ta'ala et demander à Allah subhanahu wa ta'ala selon ce qui est impliqué par par la signification du nom d'Allah subhanahu wa ta'ala par lequel on l'invoque. Comme par exemple, si tu veux demander à Allah subhanahu wa ta'ala la miséricorde, dis « Ya Rahman, irhamni, ô toi le tout miséricordieux, fais-moi miséricorde. » Ou bien, par exemple, tu veux demander le pardon, alors tu dis « Ô Allah, Ya Ghaffar, ô toi le pardonneur, irfirli, pardonne-moi. » Ou bien, par exemple, tu veux demander la repentance à Allah subhanahu wa ta'ala, te repentir, et bien tu demandes à Allah, tu dis « Ya Tawwab, tub alayya, ô toi qui acceptes la repentance, accepte ma repentance et fais que je sois repentant, hein, à toi, vers toi. » Donc, ça c'est des exemples, et donc, le fait que Allah subhanahu wa ta'ala dise dans le verset فَادْعُوهُ بِهَا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا, c'est-à-dire évoquez-le par ces noms-là, par ces beaux noms, ça signifie donc qu'on doit utiliser ces noms-là comme un moyen de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala dans le dua, qu'est-ce qu'on appelle le tawassul. Ça c'est une des formes de tawassul qui est permis dans l'islam, c'est-à-dire de chercher un moyen pour se rapprocher d'Allah en l'invoquant par ses noms. D'accord? Donc, tu dis par exemple, ô Rahman, fais-moi miséricorde, donne-moi la Rahma. Ô Ghafour, donne-moi la Maghfira, donne-moi le pardon. Ô Tawwab, Tub alayya, donne-moi le Tawba. Ou bien, ô Razzaq, ô toi qui es Razzaq, donne-moi ma subsistance et mon risque. Donc, c'est chaque chose que tu as besoin, ou chaque chose que tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala par ce nom-là. D'accord? Et ça fait en sorte que Allah subhanahu wa ta'ala va t'exaucer. Ensuite, il dit وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ يَعْنِي يُنْكِرُونَهَا أَوْ يُنْكِرُونَ مَعَانِيهَا وَيُحَرِّفُونَهَا تَوَعَدَهُمُ اللَّهُ بِقَوْلِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Donc le shaykh il dit que يعني, Allah subhanahu wa ta'ala ici dans ce verset-là, par la suite, à la fin, il dit et laissez ceux qui renient ces noms, hein, c'est-à-dire ceux qui les rejettent ou qui déforment leur signification, qui déforment leur sens ou leur récitation pour changer leur signification. Allah subhanahu wa ta'ala les a menacés en disant ils seront punis pour ce qu'ils ont commis ou fait comme péché. Donc il faut pas tomber dans ce péché-là de déformer ou de changer l'essence des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala et de ses attributs. Et les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, ce sont en même temps des attributs, puisque à l'intérieur des noms, il y a des significations. Et ces significations-là, ce sont des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme par exemple, Al-Alim, Allah subhanahu wa ta'ala c'est Al-Alim, hein, celui qui sait tout, l'omniscient, et donc parmi la signification, ça veut dire qu'il a Al-Ilm, ça veut dire qu'il a la science, donc il a l'attribut de la science. Donc le fait qu'il est Al-Alim, l'omniscient, celui qui sait tout, ça implique qu'il a l'attribut de la science. La même chose pour Ar-Rahim ou Ar-Rahman, ça implique qu'il a l'attribut de la miséricorde, et donc Ar-Rahma. La même chose pour, par exemple, yani, tous les autres noms et tous les autres attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Chacun de ces noms-là implique une attribut. Comme Al-Basir, ça prouve que Allah subhanahu wa ta'ala, il a l'attribut de Al-Basar, c'est-à-dire la vue, qu'il voit tout. Ou Al-Basir, Al-Sami', qu'il entend tout. Ainsi de suite. La puissance. Le connaissant, il a l'ilm. Al-Alim, ou bien Al-Khabir, hein. Ou Al-Alim, ça implique qu'il a l'ilm. Et par exemple aussi Al-Qadir, ça implique qu'il a l'attribut de Al-Qudra. Hein? Et Al-Karim, c'est là, il a Al-Karam, il a la générosité, hein, et la noblesse. Donc c'est pour dire que, pardon, il a Al-Hikmah, s'il est Hakim, il a Al-Hikmah, il a la sagesse. Et donc c'est pour dire que les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala impliquent des attributs, mais on peut pas faire des noms avec les attributs. On peut faire des attributs, on peut prendre des attributs à partir des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais on peut pas faire des noms à partir de ces attributs. Hein? Ça c'est par exemple, on va parler, mais sinon, par exemple, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, comme par exemple, qu'il est, il dit par exemple, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que Allah subhanahu wa ta'ala, il rit. On peut pas dire le rieur, Allah. Hein? Tu vois? Ou bien le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que Allah subhanahu wa ta'ala, il se fâche, parfois, ou se met en colère contre ceux qui méritent sa colère. Donc, on peut pas l'appeler celui qui se met en colère, ou le, tu vois, oui, le coléreux, ou le colérique. On peut pas, oui, on peut pas faire ça. Parce que, on n'a pas le droit d'inventer dans les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. On a le droit uniquement de l'appeler par les noms qu'il s'est donné lui-même. Toutefois, à partir des noms, on peut faire des attributs. D'accord? Et ça, on va y revenir peut-être dans les cours suivants, parce qu'il y a un autre chapitre dans le livre plus loin qui parle des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, et puis on va mentionner des exemples plus détaillés parmi les règles qui ont rapport aux noms et aux attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Sattar, ça ne fait pas partie des noms d'Allah, mais les gens le mentionnent. Il y en a qui disent Assittir ou Assattar. Il y a pas, mais ce n'est pas mentionné dans les preuves. Mais la signification est mentionnée. Les ulama, il y a une chose qu'ils mentionnent parfois quand ils parlent de ça, ils disent que Bab al-Khabar, Aoussa' min Bab al-Asma, ou Bab al. En tout cas, il y a un principe ou une règle qu'ils mentionnent à ce sujet-là, c'est que tu peux dire par exemple, quand tu fais une invocation, ou celui qui couvre ses serviteurs lorsqu'ils font des péchés, couvre-moi. Mais tu peux pas l'appeler Allah subhanahu wa ta'ala As-Sattar ou Sittir, parce que c'est pas mentionné dans les textes. Pour pouvoir dire que quelque chose fait partie des noms d'Allah, il faut avoir une preuve du Coran et de la Sunna authentique. D'accord? Et il y a des chouïrs qui ont mentionné que par exemple, ça, As-Sittir ou As-Sattar, ça fait pas partie des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala parce qu'il n'y a pas un texte mentionné là-dessus. Mais il y a des livres qui ont été écrits pour énumérer les différents noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, puis avec les preuves du Coran et de la Sunna et leur signification. Donc je pense qu'il y a un des chouyoukh même, un des tolab al-ilm qui a écrit un bon livre là-dessus. J'ai oublié le... Mais je sais qu'il y a Al-Asma al-Husna dedans, dans le titre, mais j'ai oublié le titre au complet. Et c'est un livre vraiment bénéfique. Si je m'en souviens, je pense que le nom de famille de celui-là c'est Saqqaf. Son nom de famille, je pense que c'est pas c'est en tout cas parce qu'il y a un Saqqaf, c'est un Jahmi. C'est un gars qui est vraiment ennemi de la Sunna, ennemi de vraiment il nie les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, il est contre tous les ulama qui affirment les noms et les attributs d'Allah, ils disent que ce sont des égarés. Donc c'est pour dire lui c'est un égaré, mais celui dont je parle qui s'appelle Saqqaf, c'est un autre qui est vraiment, je pense que d'après ce que j'ai compris c'est un salafi. Donc yani Allahu a'lam, mais sinon il a un site internet aussi où tous ses livres sont disponibles. Cherchez ça sur Google, Saqqaf en arabe, vous allez le trouver inshallah. Mais sinon, il a des livres très bénéfiques sur ça. Et le livre, il l'avait, le livre dans la bibliothèque à Dar al-Arqam, ce livre-là, et je m'y référais souvent parfois pour, durant le dars de quand on faisait Al Wasitiyya, je retournais souvent à ce livre-là pour avoir quelques clarifications parfois sur certaines significations. Donc, il mentionne même les noms qui sont pas authentiques, ou qui sont pas référés dans la révélation, et il clarifie justement à leur sujet que ce ne sont pas des noms corrects, ou que ce ne sont pas vraiment des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Oui, mais si c'est dans le doigt, comme je dis, c'est pas la même, nécessairement la même règle qui s'applique. Comme par exemple, c'est mentionné ou c'est rapporté souvent par des ulama que, comme exemple, Ibn Taymiyyah, rahimahullah, quand il faisait des du'as, quand il était jeune, il demandait à Allah subhanahu wa ta'ala de lui donner la compréhension. Alors quand il faisait son invocation, il disait « Ya mufahim Sulayman, fahimni » C'est-à-dire « Ô toi celui qui a fait comprendre à Sulayman, donne-moi la compréhension. » Et on sait que, par exemple, Al-Mufahim, c'est pas un des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Sauf que Allah subhanahu wa ta'ala a dit « Fafahamnaha Sulayman » et on l'a fait comprendre à Sulayman. Donc il s'est basé sur ce verset-là pour dire « Ô toi celui qui a fait comprendre à Sulayman, fais-moi comprendre à moi aussi. » Et effectivement Allah subhanahu wa ta'ala, on voit que Allah lui a donné justement la compréhension, mashallah, peut-être pas égale à Sulayman parce que Sulayman c'est un prophète, mais il lui a donné une grande compréhension de l'islam, mashallah. Donc ça c'est à ce sujet-là. Et وذر الذين يلحدون في أسمائه. OK, ça on a lu ça. Après le cheikh dit والإيمان بأسماء الله وصفاته هو مذهب أهل السنة والجماعة من الصحابة والتابعين وأتباعهم إلى يوم القيامة. فأهل السنة والجماعة يؤمنون بأسماء الله وصفاته التي سمى الله تعالى بها نفسه أو سماها بها رسوله من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل، يؤمنون بها ويثبتون معانيها وما تدل عليه، ولكن كيفيتها لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. أما oui, c'est ça. Donc, on va lire ça. Le cheikh dit que les noms, de croire aux noms et aux attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est la voie et la croyance de Ahl al-Sunnah wal Jama'a parmi les Sahaba et les Tabi'in et ceux qui les ont suivis et qui vont les suivre jusqu'au jugement dernier. Donc, ce sont Ahl al-Sunnah wal Jama'a. Et Ahl al-Sunnah wal Jama'a, ils croient en tous les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala et en tous ses attributs que Allah s'est donné à lui-même, soit parce qu'il s'est appelé par ce nom-là, et il a mentionné ces attributs-là à propos de lui-même dans le Coran, ou bien le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a mentionné ces attributs-là à propos d'Allah subhanahu wa ta'ala, et on croit en ces noms-là, dans ces attributs-là, sans faire de tahrif, sans déformer le sens, ou sans déformer le texte. Voilà ta'til, c'est-à-dire sans nier la signification de, ou vider le mot de son sens. Ou min ghayri takyif, c'est-à-dire sans essayer de comprendre le comment de ces attributs-là, comment elles sont. Ou min ghayri tamthil, sans essayer de comparer et de faire des ressemblances entre Allah et sa création. Et ils croient en tous les noms d'Allah et ils affirment toutes ces significations-là telles qu'elles sont mentionnées. Mais le comment, personne ne le connaît, comment sont ses attributs et comment sont ses noms et ses attributs, excepté Allah subhanahu wa ta'ala. أما الفرق الضالة من الجهمية والمعتزلة والأشاعرة ومشتقات هؤلاء فإنهم يجحدونها، فمنهم من يجحد الأسماء والصفات وهم الجهمية، ولذلك كفرهم كثير من علماء الأمة. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله في النونية: ولقد تقلد كفرهم ولقد تقلد كفرهم 50 في 10 من العلماء في البلدان، يعني كفر الجهمية 500 عالم من هذه الأمة، لأنهم يجحدون الأسماء والصفات فلا يثبتون لله اسما ولا صفة. Donc le chef il dit que en ce qui concerne les groupes de bid'a et les groupes de garmin, parmi les sectes comme la secte des Jahmiyyah, la secte des Mu'tazila, la secte des Asha'ira et ceux qui découlent de ces groupes-là, comme par exemple les Maturidiya et les autres, eh bien, tous ceux-là, ils nient quelque chose des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, ou des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parmi eux, c'est par degré en fait, il y en a qui sont par degré. Les plus extrémistes, c'est les Jahmiyyah, ceux qui suivent Jahm ibn Safwan. Et ceux-là, ils nient les noms et les noms et les attributs. C'est-à-dire, ils nient et les noms et les attributs, c'est-à-dire. Donc, ils affirment rien de ce qui est mentionné dans le Coran, des noms et des attributs d'Allah, ils disent que la seule chose qu'on peut dire à propos d'Allah, c'est qu'il existe. C'est tout. Le reste, on ne dit rien. Hein. Et tout ce qui est mentionné de noms et d'attributs dans le Coran à propos d'Allah, ils donnent à ça une signification uniquement symbolique et allégorique. Ça n'a aucune signification réelle. Hein. Donc ça, c'est la voix des Jahmiyyah. Et la plupart des ulama les ont déclarés comme étant kuffar à l'époque des Salaf Salih. Et c'est pour ça que Ibn al-Qayyim al-Jawziyya, il dit dans son poème qu'on appelle An-Nuniyya, il dit qu'il y a environ 50 fois 10 parmi les ulama dans les pays, différents pays musulmans, qui ont déclaré les Jahmiyyah kuffar. Et donc ça veut dire qu'il y a environ 500 parmi les ulama de cette umma qui ont dit que les Jahmiyyah ne sont pas des musulmans, ce sont des kuffars. Et yani, pourquoi ils sont kuffars? C'est parce qu'ils rejettent, ou ils nient, ou ils refusent de croire en les noms et les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Hein? Donc ils nient aucun nom et aucun attribut d'Allah subhanahu wa ta'ala. En ce qui concerne le cheikh, il dit ensuite: والمعتزلة أثبتوا الأسماء ولكنهم جحدوا معانيها وجعلوها أسماء مجردة ليس لها معاني. والأشاعرة أثبتوا الأسماء وبعض الصفات وجحدوا كثيرا من الصفات، فأثبتوا 7 صفات وبعضهم يثبت 14 صفة والبقية يجحدونها وينكرونها، وكل هؤلاء فرق ضالة وهم متفاوتون في ضلالهم. Le cheikh il dit que les Mu'tazila, ils ont affirmé, les Mu'tazila, eux, sont une autre secte qui ont dévié au sujet des noms et des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et contrairement par exemple aux Jahmiyyah qui nient les noms et les attributs, eux, les Mu'tazila, ils affirment les noms mais ils nient les attributs. Et ils affirment, quand on dit qu'ils affirment les noms, c'est-à-dire qu'ils affirment seulement ces noms-là comme étant juste des noms sans aucune signification. Donc ils nient les attributs que ces noms-là impliquent. Comme on a expliqué tout à l'heure que le nom de Allah, comme on dit Al-Hakim, ça implique Al-Hikmah, ou Al-Alim, ça implique Al-Ilm. Eux, ils disent non. Il est Alim sans Ilm. Il est Hakim sans Hikmah. Il est Qadir sans Qudra. Donc il affirme le nom sans l'affirmation de l'attribut. Hein. Et donc c'est pour ça qu'ils se contredisent en réalité. Ils disent que tout ce qui est mentionné d'attribut dans le Coran, c'est allégorique et symbolique. Ils déforment sa signification. D'accord. Et ils se basent pour dire ça, ils se basent sur des trucs de philosophie et d'analogie, basé sur des logiques ou des systèmes rationnels qu'ils ont inventés eux-mêmes ou qu'ils ont emprunté des Grecs ou des autres kuffars. Ensuite, le cheikh il mentionne un autre groupe, c'est les Asha'ira. Et les Asha'ira, ils affirment les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala et certaines attributs. C'est-à-dire, contrairement aux Jahmiyyah qui affirment les Jahmiyyah qui nient tous les noms, tous les attributs, et contrairement aux Mu'tazila qui affirment les noms mais qui nient tous les attributs, eux, les Asha'ira, ils affirment les noms et ils affirment en même temps quelques attributs seulement. Certains ulama expliquent qu'ils affirment 7 attributs et d'autres mentionnent que parfois ils affirment jusqu'à 13 ou jusqu'à même 14, ça dépend de certains de leur signification, certains de leurs significations quand ils parlent de ces attributs-là, mais en principe c'est 7 attributs parmi celles qui sont mentionnées dans les révélations, dans le Coran et dans la Sunna textuellement, parmi celles qu'ils affirment, c'est uniquement 7. Hein? C'est la vue, l'ouïe, la volonté, la sagesse, la puissance et la volonté. La connaissance, oui. Je pense que je l'ai mentionné. Non? En tout cas, c'est les 7. Et ces sept-là, ils les affirment, mais ils les affirment pas nécessairement. Ah oui, Al-Kalam aussi. La parole. Peut-être qu'il y en a une que j'ai mentionné deux fois. La parole. Al-Kalam. Parce qu'en arabe, il y a le Qaf et le Kaf. Donc le Qaf, c'est le Qalam, ça veut dire la plume. Et le Kaf, Kalam, ça veut dire la parole. Ça, des fois, juste une petite différence de prononciation, ça peut changer la signification. Mais bon, c'est pour dire que ils affirment cet attribut et ils ne les affirment même pas de la même façon que nous. Certains de ces attributs-là, ils l'affirment seulement dans la forme. Mais dans le fond, ils la nient. C'est juste une interprétation, c'est juste une affirmation faussée. Hein. C'est comme par exemple, aussi il y en a aujourd'hui qui font ça, au sujet des idées qu'ils supportent ou qu'ils défendent. Par exemple, quand ils parlent de l'islam, non seulement des noms et des attributs seulement, mais ils ont appliqué le manhaj des Asha'ira même dans les aspects de la charia et de la pratique de l'islam ou d'autres principes de la croyance. Donc par exemple, ils vont dire, oui on croit en telle chose de l'islam ou en tel principe de l'islam, et ils l'affirment, ils disent oui, on croit, par exemple, je vous donne un exemple, oui oui, le hijab fait partie de l'islam et c'est obligatoire pour la femme. Donc si tu entends un musulman qui dit ça, tu vas te dire, ah bien c'est bien, au moins il croit en l'obligation du hijab. Donc, en apparence, tout est bien, tout est correct. Le problème c'est que, toi quand tu dis hijab, tu penses à ce qui est mentionné comme explication dans le Coran et dans la Sunna et dans les livres de tafsir et dans les paroles des ulama de fiqh, etc. Tel que le Coran et la Sunna ont décrit, et tel que les salafs ont décrit le hijab, c'est-à-dire le jilbab shar'i, qui couvre tout le corps de la tête aux pieds, et qui est ample, et qui est opaque, et qui c'est pas juste, par exemple, de couvrir une partie et de découvrir une autre. Tandis que, pour lui, quand il dit hijab, qu'est-ce qu'il veut dire? Non, il veut dire autre chose. Dans sa tête à lui, il parle juste de cacher ses cheveux avec un foulard, un morceau de tissu. Puis ensuite, le reste, c'est correct. Donc, d'un côté, il affirme, qu'est-ce qu'il dit? Il l'affirme en disant oui, je crois au hijab et je dis que c'est obligatoire, il n'y a pas de problème. Sauf que il ment ou il déforme la réalité parce que le hijab, le mot hijab, il ne l'utilise pas pour décrire ce que ça signifie réellement. Il l'utilise pour décrire quelque chose d'autre. Hein. Et donc il y a beaucoup parmi les gens, surtout les modernistes et les Ikhwan et d'autres, qui utilisent cette ruse-là. C'est-à-dire, certains disent qu'il a un double langage. Ce n'est pas un double langage, ils ont un langage codé. Ils parlent en code. Et toi, tu vas écouter toute une conférence de ces gens-là, tu vas dire, mais tout est correct, il n'y a rien de mal là-dedans. Sauf que c'est des codes. Ceux qui comprennent ces codes-là, c'est ceux qui ont suivi les principes qu'ils ont dans leurs idéologies à eux. Quand ils entendent la conférence, eux, ils comprennent pas la même chose que toi, ce que tu comprends quand tu l'entends. Toi, quand tu l'entends, tu penses au principe de l'islam, tu dis, ah oui, c'est bien, qu'est-ce qu'il dit. Sauf que lui et ceux qui sont avec lui, quand ils entendent ça, ils pensent à d'autres choses, pas du tout la même chose que toi. Et des fois même, ils vont faire le contraire, c'est-à-dire ils vont affirmer des choses qui sont fausses, qui sont contraires à l'islam, et ils essaient de donner à ces choses-là des significations islamiques. Hein? Comme par exemple, ils vont parler à des non-musulmans, ils vont dire par exemple la laïcité, la démocratie, etc. Et donc, quelqu'un qui va l'entendre, un non-musulman qui va les entendre, il va penser qu'ils parlent de la même chose qu'eux. Sauf que eux, dans leur tête, ils ont une idée de la démocratie qui n'a rien à voir avec qu'est-ce que les non-musulmans ont comme démocratie. C'est leur propre démocratie qu'ils ont inventée eux-mêmes, hein, qui n'a rien à voir ni avec qu'est-ce que ces gens-là prétendent, les non-musulmans prétendent, et qui n'a rien à voir non plus avec l'islam. Mais ni les musulmans, ni les koufars ne savent ça, excepté eux. Hein. Donc c'est ça le danger, et les Asha'ira, c'est pour ça que certains ulama ont dit les Asha'ira sont plus dangereux que les Mu'tazila et que les Jahmiya. Parce que les Mu'tazila et les Jahmiya, ils disent clairement, non, on rejette les... On n'affirme pas les noms, ou bien on n'affirme pas les attributs. Mais les Asha'ira sont rusés, et c'est ça le danger. Ils disent, oh oui, on affirme sept attributs et tout. Donc toi tu te dis, bon, au moins ils affirment sept. Le problème c'est qu'ils affirment sept, mais pas la même façon que nous. Hein? Comme par exemple quand tu leur demandes au sujet de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils disent, ah mais on affirme la parole d'Allah dans le sens de la signification de la parole. Mais la parole elle-même, les lettres et la voix, hein, les lettres et les mots qui composent la révélation, comme le Coran, ça, c'est pas la parole d'Allah. La parole d'Allah, c'est seulement la signification qui est derrière ces mots-là et derrière ces lettres. D'accord? C'est pour ça qu'ils disent qu'Allah parle, mais quand il parle, il ne parle pas avec des lettres et des mots et avec une voix. Ils disent que sa parole, elle est pas. En fait, c'est comme s'ils disaient qu'on peut pas l'entendre. Hein. Même pour, mais Allahu a'lam, soi-disant, si vous lisez dans leur livre comment ils décrivent la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, vous allez voir que c'est quelque chose qui n'a rien à voir avec la révélation, ni avec le Coran, ni avec la Sunna. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala dit wa kallama Allahu Musa taklima, Allah a parlé à Moïse de façon claire, hein. Et eux ils disent non, ça veut dire que Allah a soulevé le voile et il a fait entendre à Moussa sa parole éternelle, ainsi de suite. Donc on a expliqué ça déjà dans d'autres occasions, mais je vous ai mentionné ça juste comme un exemple pour vous faire savoir que les Asha'ira et les Maturidiyah aussi, parce que les Maturidiyah font aussi partie de ceux qui acceptent uniquement sept attributs ou certaines attributs. Mais ils refusent les autres. D'accord? Donc, ça c'est un résumé à ce sujet-là. Et le chef, il dit que tous ces sectes sont toutes déviées, sont toutes égarées. Et ça, c'est qu'est-ce qu'on retrouve, ces groupes-là, ces sectes-là, se retrouvent actuellement dans la plupart des pays musulmans. Hein. Parce que ce madhab s'est répandu. Et on a fait le livre qui s'appelle Ta'kid al-Musallamat al-Salafiyya. Et ce livre-là, en fait, c'est une réfutation des Asha'ira et une réfutation de ceux qui prétendent que les Asha'ira font partie de Ahl Sunnah wal Jama'ah, ou bien qu'ils ne font pas partie des gens de Bid'ah. Donc, vous pouvez retourner à cet exemple-là ou à ce dars qu'on a fait pour comprendre les détails un peu plus avancés dans ce sujet-là. Le Cheikh dit ensuite, وفي صحيح البخاري قال علي ابن أبي طالب يخاطب العلماء يقول لهم حدث الناس بما يعرفون أي تكلموا عندهم بما يعرفون أي بما لا تستنكره عقولهم بل حدثوهم بما تتحمله عقولهم وتدركه أفهامهم ولا تسمعهم شيئا لا يفهمون معناه أو يجهلونه فيبادرون إلى تكذيبه فتوقعونهم في الحرج وكأنه قال هذه المقالة لما كثر القصاص في وقته وهم الوعاظ والوعاظ يحرصون على أن يخوفوا الناس فيذكرون لهم ما قرأوا أو سمعوا من الأخبار والأحاديث سواء كانت صحيحة أو غير صحيحة سواء كان الناس يفهمونها أو لا يفهمونها وهذا أمر لا يجوز فالحاضرون يحدثون بما تتحمله عقولهم وبما ينفعهم أما ذكر الأشياء التي تشوش عليهم وقد تحمل بعضهم على التكذيب فهذا أمر محرم فينبغي للقاص والواعظ والخطيب والمتحدث أن يراعي أحوال السامعين فيتكلم معهم بما يناسب حالتهم إن كان يتكلم في وسط علماء يتكلم بالكلام اللائق بأهل العلم إن كان يتكلم في وسط عوام فيتكلم بما يناسبهم بما تتحمله عقولهم ويحرص على ما ينفعهم أيضا ويعلمهم أمور دينهم وأمور عقيدتهم وصلاتهم وأمور عباداتهم ويحذرهم من المعاصي ومن المحرمات ولا يدخل في المواضع العلمية البعيدة عن أفهام العوام. Donc le cheikh il explique en fait avant juste de rentrer ça, avant d'expliquer ça, j'aimerais juste vous rappeler, vous mentionner que ce serait bien lorsque vous entendez les durus, parce que malheureusement il y a beaucoup de frères, il y a presque très peu de frères qui prennent des notes dans les cours. Ça c'est dommage, mais bon, parce que des fois vous êtes assis, puis vous entendez des choses, puis vous les oubliez. Parce que c'est difficile de se rappeler de tout ce qu'on a dit. Hein, c'est pour vous dire, des fois, on a si déjà on dit quoi à l'université, ou au cégep, au collège ou ailleurs. Nous, on a un cours maintenant qui dure en moyenne 1h30. Les cours qu'on a à l'école, soit à l'université ou au cégep, eh ben c'est des fois, c'est minimum, c'est des cours de 3h. Hein, des fois 2 heures, des fois 3 heures ou plus. Et on prend des notes, parce que tu peux pas t'asseoir et juste écouter puis espérer que ça va rester dans ta tête. Donc, là, c'est très bénéfique de prendre des notes, si tu entends un cours. Si par exemple quelqu'un écoute l'enregistrement par la suite, il prend des notes, faites-vous un tableau. Hein, quand on explique par exemple les différentes sectes, et les différences entre elles au sujet des noms et des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, faites-vous un petit tableau, hein, et vous écrivez par exemple, les Jahmiya, qu'est-ce qu'ils croient, en dessous vous marquez les Mu'tazila, qu'est-ce qu'ils croient, et en dessous vous marquez les Asha'ira, et en dessous les Maturidiya, et vous faites un petit tableau comme ça. Et quand on parle par exemple des questions de la foi, quand on parle des Khawarij, vous mentionnez à côté, c'est quoi, un petit tableau, vous dites, bon, les Khawarij, voici leurs caractéristiques au sujet de la foi. Ensuite, les Mu'tazila. Ensuite, les Murji'a. Ensuite, les Ahl-Sunnah wal-Jama'a. Et les Asha'ira, et ainsi de suite. Donc, vous faites un petit tableau comme ça, qui explique les principes et les différentes sectes et les divergences entre elles, et la position d'Ahl-Sunnah wal-Jama'a. Comme ça, vous allez les mémoriser facilement. Et vous allez les comprendre. Par la suite, on va vous dire, Asha'ira, tout de suite, ah, ça c'est des gens qui ont tel problème. Si vous dites par exemple, ah, les Mu'tazila, ah, je sais c'est qui, ils ont tel problème. Et là, ça revient facilement. Parce qu'il y a des gens, malheureusement, ils font pas ça. Et donc, par la suite, c'est comme si ils entendent toujours dans les cours, ils écoutent les cours, ils entendent tous les cours, ils entendent à chaque fois qu'on mentionne ces groupes-là, mais ils n'arrivent pas à s'en souvenir des différences entre elles, et ils ne les mémorisent pas. Pourquoi? Parce qu'ils ne l'ont pas justement bien classé comme ça. Et aussi, il y a un point par exemple que je voulais mentionner, c'est qu'il y a des gens qui pensent que ces sectes-là, comme les Jahmiya, les Mu'tazila et les autres, que étant donné qu'elles n'existent plus aujourd'hui en tant que sectes organisées, avec des gens organisés et sectes organisées, comme avec un chef et avec des membres et tout, ils pensent qu'il n'y a plus de danger par rapport à ces sectes. Toutefois, il ne faut pas oublier que même s'ils n'existent plus en tant que sectes organisées, eh ben, leurs idées continuent à se propager parmi les musulmans, d'accord? Et par exemple, il ne faut pas oublier aussi que ceux qui disent par exemple que les Mu'tazila n'existent plus, c'est faux. C'est faux parce que les Shi'as sont sur la croyance des Mu'tazila, comme on l'a expliqué plusieurs fois. Et ils le disent, eux-mêmes ils le disent, et eux s'ils ne le disent pas, tu le lis dans leur livre, dans leur façon de parler de Dieu, et de ses noms, et de ses attributs, ou quand ils parlent de la prédestination, hein, ou des sujets de ce genre, tu vois qu'ils sont sur la croyance des Mu'tazila. D'accord? Donc il faut faire attention, justement, pas croire que ça y est, c'est passé, ces sectes-là, ça n'existe plus, c'est pas vrai. Et il y a des musulmans, les Asha'ira, qui ont beaucoup des erreurs des Mu'tazila, qui ont beaucoup des erreurs des Jahmiya, et c'est les Asha'ira qui existent encore aujourd'hui dans beaucoup de pays, des pays musulmans. Donc il faut faire attention à ça. Et ça c'est pour répondre en même temps à ceux qui disent ben il faut pas combattre ces gens-là, le danger c'est les athées, le danger c'est les communistes, hein. Mais non, ces gens-là aussi sont un danger, tu vois. Les communistes et les athées, le musulman il a moins de danger par rapport à eux que par rapport à ces groupes de bidats. Parce que l'athée, là, le musulman, il va pas aller l'écouter pour apprendre l'islam. Hein. Donc il sait déjà que c'est un athée ou un égaré, il va pas aller écouter ce qu'il dit pour apprendre l'islam. Mais si c'est quelqu'un qui dit musulman et qui enseigne des choses fausses à propos de l'islam, il peut être trompé facilement. Donc c'est plus dangereux. Ensuite, le cheikh, il donne donc le hadith de, rapporté dans Sahih al-Bukhari, que Ali ibn Abi Talib, en fait c'est pas un hadith, c'est une parole de Ali ibn Abi Talib, c'est une asar. Et donc al-Bukhari, il dit que Ali ibn Abi Talib a dit que Ali a parlé aux gens, aux ulama, et il leur a dit, dites aux gens ce que les gens connaissent, parlez-leur de ce qu'ils connaissent lorsque vous leur parlez. Ne leur dites pas des choses que leur raison n'est pas capable de comprendre, ne vont pas accepter. Hein, parlez-leur selon ce que leur raison peut accepter et qu'ils sont capables de comprendre. Et ne leur faites pas entendre des choses qu'ils ne comprennent pas, dont ils ne comprennent pas la signification ou des choses qu'ils ignorent, parce que sinon ils vont commencer à essayer de le renier et à dire que c'est faux. Et en agissant ainsi, eh bien, il tombe dans des difficultés par la suite. Et le cheikh dit, on dirait que Ali ibn Abi Talib, il a dit cette parole-là à cause du nombre des raconteurs qui étaient très très répandus à son époque. À l'époque d'Ali ibn Abi Talib, c'est-à-dire à l'époque où il était au pouvoir, c'était lui le khalifa, il y avait beaucoup de gens qui racontaient des histoires. Ils s'assoient quelque part, ils commencent à raconter des histoires pour déverser les gens, ou pour leur faire peur, ou pour les exhorter à faire du bien. Hein? Ils se limitent pas au Coran et à la Sunna, ils racontent plein d'histoires, comme un peu comme les Jamaat Tabligh. Hein? Ils racontent toutes sortes d'histoires. Donc, le cheikh, il dit donc, ils veulent faire peur aux gens et les éloigner du péché. Donc il leur rappelle tout ce qu'ils ont lu, tout ce qu'ils ont entendu parmi les histoires, parmi les hadiths, sans savoir si c'est authentique ou non. Et peu importe que les gens le comprennent ou non. Et ça c'est quelque chose qui n'est pas permis. Lorsque des gens sont présents, on doit leur parler selon ce que leur raison est capable de comprendre et selon ce qui est bénéfique pour eux et qui est qui ne va pas leur causer du trouble et des problèmes. Hein, tu dois leur parler selon ce qu'ils comprennent. Donc tu parles avec eux selon ce qui est en accord avec leur situation et leur état. Hein, et si tu parles parmi des ulama, tu leur parles avec la parole qui convient aux ulama. Et si tu parles avec des gens ordinaires, tu leur parles avec des choses, des paroles qui va être accessible à leur compréhension, qu'ils vont comprendre et tout, et qui va être, et tu dois avoir le désir de leur dire qu'est-ce qui est bénéfique pour eux, de leur enseigner ce qui va être bénéfique pour eux, pas juste de leur dire des choses juste pour leur dire des choses, ou bien de leur enseigner des choses compliquées qu'ils peuvent même pas comprendre, hein, parce que ça vaut pas la peine. C'est comme si par exemple là, je prenais ce livre là. Et que j'essaie de lire à quelqu'un qui n'a jamais appris quoi que ce soit dans ce sujet de la chimie, eh ben les gens qui vont entendre ça, ils vont rien comprendre. Et donc c'est pour vous dire, si c'est dans le domaine de la chimie, des trucs de la des choses de la dunya, alors que dire de qu'est-ce qui a rapport avec par exemple des questions de religion qui sont relié avec la foi et la connaissance et qui a un rapport avec qu'est-ce qui va te ramener au paradis, d'accord? Donc il y a des étapes à suivre, il y a des degrés, c'est-à-dire de savoir. Il ne faut pas sauter des étapes et dire aux gens des choses trop difficiles. En même temps aussi, il y a des gens qui utilisent cet argument-là parfois, mais de façon malhonnête ou bien de façon incorrecte. Ils disent aux gens, par exemple, parle pas aux gens du tawhid, parle pas aux gens de la croyance, parle pas aux gens des questions de manhaj, des questions par exemple des groupes de hizbiya, des mubtadi'a ou des individus. Parle pas aux gens de ces choses-là, ils comprennent pas ces choses-là. Et c'est faux. C'est pas vrai qu'ils comprennent pas ces choses-là. C'est parce que ils veulent pas que ces gens-là sachent la vérité à ce sujet-là, pour pouvoir justement réunir tout le monde sans leur clarifier la vérité sur les principes. Parce que leur but à eux, c'est pas d'amener les gens vers la vérité, mais c'est juste de réunir tout le monde. Donc ça, il faut faire attention à ces gens-là. Hein? Moi, je me rappelle, des fois, j'étais à la mosquée, à Dar al-Arqam, et puis, des fois, après la khutba, il y avait des critiques, des gens qui venaient me faire des critiques. Je disais, mais parle pas de ça, dis pas ça, les gens ne comprennent pas, subhanallah. Donc je me disais, mais comment les gens ne comprennent pas? Il y en a parmi les frères qui viennent à la Jumu'ah, il y en a parmi eux, ou bien je dirais tous, parmi eux, qui écoutent la télévision. Hein? La plupart, ils regardent des programmes, des reportages, des trucs qui ont été, qui sont faits au sujet de la politique, au sujet de l'économie, au sujet de la religion, au sujet de toutes sortes de choses. Et ils sont capables de comprendre. Et souvent, ce qu'on leur raconte dans ces programmes-là, souvent, c'est des mensonges. Et c'est des choses fausses. Hein? Et donc, ce qui est faux, ils sont capables de le comprendre, ils vont l'écouter, ils vont peut-être même être trompés par ça. Puis ce qui est vrai, il ne faut pas leur expliquer, il ne faut pas en parler. Donc ça c'est grave. En fait, c'est dangereux de dire ça, parce que c'est comme si tu dis aux gens, laisse les gens dans leurs erreurs et dans la mauvaise compréhension. Hein. Par exemple, dis-leur pas, par exemple, la position de l'islam par rapport à par exemple, la liberté de croyance ou par exemple par rapport à je sais pas moi, la démocratie ou la laïcité ou l'égalité entre l'homme et la femme. Ne rentre pas là-dedans avec eux, ils ne comprennent pas ça. Parle-leur du voodoo, comment faire le voodoo. Parle-leur de... Tu sais, le voodoo, c'est... Le voodoo, ça fait partie de l'islam, c'est important, il faut le comprendre, il faut savoir comment le faire, parce que ça fait partie de l'adoration. Sauf que si la personne qui fait son voodoo, elle n'a pas compris les principes du tawhid et les fondements de la aqidah, peut-être même que son voodoo ne va même pas être accepté. Et si elle est capable de comprendre que les koufars racontent de mensonges, hein, à la télé et dans les émissions de radio, pourquoi elle ne serait pas capable de comprendre ce que les ulama de l'islam ont expliqué de ces sujets-là, qui sont dans les fondements de la religion? Ça, ce n'est pas des trucs superflus ou des détails, par exemple, des détails qui sont limités à une certaine élite dans la connaissance de l'islam, non. Ça, c'est des connaissances obligatoires pour chaque musulman de connaître les fondements de sa religion, du tawhid, de la signification de la ilaha illallah et de tout ce que ça implique dans les croyances et les actions. Non. Oui, c'est vrai, c'est comme tu dis. Il y en a des gens qui parlent de choses, il y a des musulmans, il y a des imams ou des gens qui font des khutbas et ils parlent de choses. Ces choses-là, tu peux les entendre dans une église, tu peux les entendre dans une synagogue, tu peux les entendre même chez des non-musulmans, c'est-à-dire, ce sont des choses générales, des choses, tout le monde sont d'accord là-dessus. C'est pas ça qui fait la distinction entre un musulman et un non-musulman. Hein? C'est comme il y en a un qui m'a dit, il y en a un qui disait, pas à moi, mais qui disait à quelqu'un d'autre, je lisais ça, il disait, l'islam, c'est le bon comportement, la politesse, c'est ça le vrai islam. Si quelqu'un parle pas de ça, alors c'est pas le vrai islam qu'il suit. Et là, je me suis dit, subhanallah, si l'islam, ça se limitait juste à la politesse et au bon comportement avec les gens, dans ce cas-là, il y a même des non-musulmans qui ont ça aussi. Et donc, de parler de ces choses-là, c'est sûr que ça fait partie de l'islam, mais les fondements de la religion viennent en premier, parce que si ce bon comportement-là et cette politesse que tu as n'est pas basée sur une aqida qui est correcte, eh bien Allah ne va pas te récompenser pour ton bon comportement et il ne va pas te récompenser non plus pour ta politesse, et tu n'auras pas aucune hasanat reliée à ça, parce que tu ne l'as pas fait en ayant une croyance qui est valable et qui est bien, et qui est en accord avec le Coran et la Sunna. Donc il faut bien comprendre ce point-là aussi. C'est comme ça, en fait, comme tu dis, Akhi, juste pour donner juste un point en fait à ce sujet-là, comme tu dis, c'est que il y a beaucoup de gens qui, par exemple, dans la mosquée, par exemple, à Dar al-Arqam, les frères qui sont en charge de la mosquée, c'est des frères salafis, hein, ils ont compris, disons, la bonne aqida, qu'est-ce que c'est, puis le bon manhaj, qu'est-ce que c'est, etc. Mais, par contre, à l'intérieur de la mosquée, des gens qui prient là-bas, il y en a parmi eux, ils prient uniquement là-bas parce que c'est la mosquée qui est dans leur quartier. Ou bien parce que c'est leur commerce qui est là-bas. Pour eux, de venir à Dar al-Arqam ou d'aller à une autre mosquée, c'est la même chose parce que pour eux, ils font pas de distinction. C'est ça. Ils viennent, ils prient, ils s'en vont. Et il y en a parfois, ils viennent, ils entendent qu'est-ce que l'imam dit. Ça vient du Coran et ça vient de la Sunna. Et ça, c'est supporté par des preuves, des paroles des savants de l'islam. Et, yani, ils l'acceptent pas. Mais ils le disent pas. Ils vont pas aller le dire, par exemple, à l'imam. Que je suis pas d'accord. Mais entre eux, les petits groupes, ces petits groupes-là qui viennent à la mosquée comme ça, là, quand ils se réunissent entre eux, ils commencent à parler entre eux, ils vont dire, ah, moi, qu'est-ce qu'il dit? Moi, j'aime pas ça. Je suis pas d'accord avec qu'est-ce qu'il dit. Hein? Pas parce que ça fait pas son affaire, parce que c'est pas en accord avec ses passions. Il n'est pas capable d'amener des preuves, ni des arguments, hein. Donc, il y en a qui agissent comme ça. Donc, c'est pour dire que, s'il y a une mosquée qui défend le Coran et la Sunna et la voie des salafs salih, et qu'il y a des gens qui viennent prier là-bas, qui eux sont contre ça, qui sont pas d'accord avec ça, ou qui aiment pas ça, mais il y a des dizaines de mosquées à Montréal. Si vous n'êtes pas satisfait de la da'wah et de notre da'wah et de notre manhaj, allez dans d'autres mosquées. Il n'y a personne qui vous force de venir dans notre mosquée. Parce que si vous allez dans les autres, vous allez entendre, dans certaines autres mosquées à Montréal, vous allez entendre toutes les mensonges et toutes les faussetés que vous aimez. Et des gens qui vont vous dire ce que vos passions vous dictent et que ce que vous aimez entendre. Il y en a plein comme ça, à Montréal et ailleurs. Mais si vous savez que, par exemple, la mosquée Dar al-Arqam, c'est la mosquée à Montréal qui a, disons, le manhaj qui est le plus correct par rapport aux autres mosquées, parmi celles que je connais, qui sont le plus près de ce qui est enseigné dans le Coran et dans la Sunna, et qui a un manhaj le plus clair, hein, par rapport aux autres mosquées. Bien sûr, ils ne sont pas parfaits, il n'y a pas la perfection, nulle part, hein, personne d'entre nous peut prétendre qu'il est parfait, mais si tu compares avec les autres, c'est elle qui est le plus proche, qui s'éloigne des groupes de Hizbiya, qui s'éloigne des tendances des Hizbiyines, qui défend et supporte la Sunna quand même, hein, qui réfute les bid'ah, ainsi de suite, ça c'est la meilleure. Mais à Sunna, eux, ils ont un autre manhaj. Eux, leur manhaj, c'est le manhaj des Sururiyah, hein, c'est le manhaj des Sururiyah, Mosquée Park. C'est un manhaj ikhwani enrobé d'une apparence salafi, mais en réalité qui est loin de la da'wa salafia. Et eux, leur danger par rapport aux ikhwan est plus grand que le danger des ikhwan eux-mêmes, parfois. Pourquoi je dis ça? Et quand je parle de ça, je parle pas des gens qui viennent prier à la mosquée nécessairement. Parce que parmi ceux qui viennent prier à la mosquée, il y en a qui sont dans n'importe quoi, qui suivent n'importe quoi, qui savent rien de ce qui se passe à la mosquée. Ils viennent juste prier puis rentrent chez eux. Je parle des gens qui sont actifs, qui sont responsables dans la mosquée, qui prennent les décisions. L'administration, c'est de eux qu'on parle. Donc, quand j'ai dit tout à l'heure, les Asha'ira, ils sont plus dangereux que, parfois, que les Jahmiyyah et que les Mu'tazila. Malgré qu'ils sont plus proches de Ahl-Sunnah wal-Jama'ah. Pourquoi? Ils sont plus dangereux parce que ils montrent qu'ils acceptent quelque chose, alors qu'en réalité, ils sont contre. La même chose avec les sururi. C'est des gens qui montrent qu'ils sont salafis, mais ils sont contre la da'wa salafia, et contre les ulama de la da'wa salafia. Donc, leur danger est plus grave par rapport aux ikhwan qui montrent clairement qu'ils sont contre. Hein? C'est pour ça qu'il faut faire attention à ce genre de tendance-là. Donc, ça c'est à ce sujet, je voulais juste mentionner ce point-là pour que les gens comprennent. Et donc, le cheikh il dit donc que c'est ça. Il y a des gens parmi ces gens-là qui sont dans la mosquée, les gens de Dar al-Arqam, c'est les frères qui s'en occupent de la mosquée, c'est des salafis. Sauf que, il y a des gens qui viennent prier là-bas, ils ne sont pas salafis. Même il y en a qui détestent. Parmi eux, il y en a qui viennent prier là-bas, qui détestent les salafis. Hein? Il y en a qui cachent des idées autres, qui disent même pas ça, qui disent pas ça aux gens, juste à ceux qui sont proches d'eux. Hein? Mais qui ont d'autres idées, d'autres tendances, d'autres croyances. Il y en a qui ont des idées de takfir, il y en a qui ont des idées de jihadi, il y en a qui ont des idées de ikhwani, il y en a qui... C'est ça, il y en a qui sont des... C'est ça. Il y en a qui sont des laïcs, il y en a qui sont des nationalistes qui viennent prier là-bas. Hein? Donc c'est ça. C'est ça. Donc quand tu vois des gens comme ça, par exemple, qui viennent prier là-bas, et quand ils entendent des khutbahs que j'ai donné à la mosquée là-bas, ils n'aimaient pas ça, parce que ils veulent pas que ces choses-là soient connues par la communauté musulmane à Montréal. Puis il y en a qui prennent ça un petit peu plus par rapport à la soi-disant communauté culturelle, puis qui veulent limiter ça ou faire en sorte que la mosquée devienne une mosquée culturelle, hein, pour une ethnie en particulier ou un groupe parmi les musulmans d'un pays en particulier. Alors que la mosquée n'est pas limitée à un pays en particulier, ou pour un pays, ou des gens d'un pays en particulier, c'est une mosquée pour les musulmans de tous les pays, peu importe d'où ils viennent. C'est pas un club ou un centre culturel. Donc, il faut pas mélanger entre ces choses-là. Mais c'est juste pour faire comprendre que les gens qui sont là-bas, s'ils sont neutres, dans le sens qu'ils viennent à la mosquée là-bas, qui est une mosquée qui est dirigée, contrôlée par les salafis. Hein? Qu'ils viennent là-bas et eux, ils n'ont pas de position, c'est-à-dire ils sont par contre la da'wa salafia, mais ils ne connaissent pas. Quand ils viennent et qu'ils écoutent et qu'ils entendent, et qu'on leur clarifie les choses et on leur explique la réalité, puis on leur explique non seulement la réalité, mais qu'est-ce qui s'oppose à la vérité, là ils vont commencer à comprendre petit à petit, puis ils vont commencer à accepter la da'wa. Mais le problème de qu'est-ce qu'on remarque parfois, c'est qu'il y a des frères qui disent non, dis seulement aux gens qu'est-ce qui est correct et qu'est-ce qui est bon, et ne leur dis pas le mal, ou ne leur dis pas qu'est-ce qui est faux, ou ne leur dis pas qu'est-ce qui est contraire à la vérité, ils vont le comprendre par eux-mêmes. Mais ça, c'est pas évident. Et ça, c'est pas nécessairement vrai. Parce que quand tu leur clarifies pas le faux, et qu'ils connaissent juste le vrai, des fois ils sont pas capables de comprendre tout seuls, tout de suite. Et c'est pour ça que Hudhayfa ibn al-Yamān, il disait, les gens demandaient au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam le bien, moi je demandais le mal, parce que j'avais peur de tomber dedans. Hein? Donc ça c'est pour vous dire que il faut... Non, exactement. نعم وفي ضدها تتبين الأشياء avec les choses opposées, par les opposés tu comprends la vérité et ça devient clair. Donc c'est bien beau de connaître le tawhid et tu expliques à quelqu'un le tawhid, mais si tu lui expliques pas le shirk, il risque de tomber dans le shirk. Tu lui expliques la sunna et tout ce qui a rapport avec le fait de suivre la sunna, mais tu l'avertis pas contre les bid'ah, il risque de tomber dans la bid'ah. Et c'est ça ce qui se passe malheureusement, il y a des gens qui aiment entendre la vérité, on leur explique hein, qu'est-ce qui est marqué dans le Coran et qu'est-ce qui est marqué dans la Sunna, et faites ça, et ça c'est Allah il l'a dit, et ça c'est le prophète Rasoul qui l'a dit. Hein. Mais ils veulent pas qu'on commence à dire par exemple faites attention à un tel, ou faites attention à tel livre, parce que dans ces livres-là, il y a des égarements où lui, il a dit telle, telle parole, et faites attention à tel groupe, ou à telle mosquée, ou à tel individu, ou à tel jama'a, ou à telle chose. Là, ça commence à les déranger. Parce que là, tu dis, ah là, tu mentionnes des noms. Ah là, tu mentionnes des si. Ah là, tu commences à cibler des choses, et les gens commencent à voir plus clair, commencent à comprendre trop. C'est dangereux, c'est pas bon pour nous, on peut pas ça. Ça fait de la fitna. Ils vont commencer à nous donner des problèmes. Donc, ça c'est l'attitude de certains frères. Et bien entendu, il faut utiliser la sagesse, essayer de trouver la manière la plus claire et la plus simple de leur faire comprendre. Parce qu'il y a pas, c'est pas tout le monde qui sont pas salafis, qui sont contre la darwa salafia. Il y en a qui sont pas, il y en a qui sont contre parce que ils la détestent la sunna, mais il y en a d'autres qui sont pas contre, c'est juste qu'ils la connaissent pas ou qu'ils ont été trompés. Oui, c'est ça, exactement. C'est ça. Allah al-musta'an. Donc c'est ça. Et comme le cheikh il dit donc que il faut se limiter et parler aux gens de ce qu'ils comprennent, hein, comme on a expliqué tout à l'heure. Et le cheikh il dit, il faut enseigner aux gens quoi? Il faut enseigner aux gens qu'est-ce qui est bon pour eux, comme par exemple les questions de aqidah, hein, et les questions qui ont rapport avec leur prière, leur adoration, les avertir contre les péchés et les interdictions, et pas rentrer dans des questions de science qui sont trop approfondies pour les gens ordinaires qui ne connaissent pas les détails de la religion. وهذه حكمة عظيمة. أوكي. وهذه حكمة عظيمة من أمير المؤمنين رضي الله عنه أنه أمر أن يراعي أحوال الحاضرين وأحوال السامعين فيحدثون بما يتناسب مع مستواهم العلمي. ويا ليت المحدثين في وقتنا هذا والخطباء يمشون على هذا النظام وهذه القاعدة التي قالها أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. فهذه قاعدة المحدثين المتحدثين في كل وقت أن المتحدث يراعي أحوال السامعين، وإن كان في وسط علمي يتحدث بما يناسبه، وإن كان في وسط عامي يتحدث بما يناسبه، وإن كان في وسط مختلط من العلماء والجهال ومن العوام فإنه يلاحظ الواقع ويتحدث بحديث يستفيد منه الحاضرون ويفهمونه من أمور دينهم، ويدرسون العقائد والعلوم شيئا فشيئا حتى تتسع لها عقولهم وتتقبلها أفهامهم، ولا يدخل في هذا ذكر نصوص الأسماء والصفات بدليل قول ابن عباس الآتي لما ذكر حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصفات وإنما هذا خاص بأحاديث القصاص التي قد تكون مكذوبة أو لا تتحملها عقول الناس. Donc le cheikh il dit ça c'est une grande sagesse dans la parole de Ali ibn Abi Talib radiallahu anhu, qui prend en considération l'état des gens ou la situation des gens à qui il s'adresse, et donc de parler de selon ce qui convient à leur niveau de science. Et donc il dit et si seulement les gens parlaient à notre époque, si seulement les gens respectaient ça, et si seulement les gens qui font les protopes à notre époque suivaient ce système et cette voie et cette règle que Amir al-Mu'minin Ali ibn Abi Talib a mentionné. Et donc ça c'est une règle qu'on doit suivre à toutes les époques, hein, de prendre en considération les gens à qui tu t'adresses. Lorsque tu parles à des gens qui ont de la science, tu leur parles selon ce qui leur convient, et lorsque tu parles avec des gens ordinaires, tu leur parles selon ce qu'ils ont besoin d'entendre. Et si tu es dans un endroit qui est mélangé, c'est-à-dire il y a des ulama, il y a des ignorants, et il y a des gens ordinaires, dans ce cas-là, tu regardes la réalité et leur situation et leur état, puis tu leur parles d'une parole qui va être bénéfique pour ceux qui sont là et qui et une parole qu'ils vont comprendre par rapport aux choses de leur religion, et tu leur enseignes les croyances et les connaissances petit à petit, hein, pour qu'ils soient capables de l'accepter rationnellement, puis que leur compréhension va être capable de l'accepter. Ensuite, le cheikh il dit que les textes qui ont rapport avec les noms et les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala n'ont pas rapport et ne rentrent pas dans cette parole de Ali ibn Abi Talib, hein. Et la preuve que ça rentre pas dans ces choses-là, c'est que Abdullah ibn Abbas, il a mentionné une parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam au sujet des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, et ça prouve donc que les versets et les hadiths qui parlent des noms et des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala ne font pas partie de ce que les gens ne sont pas capables de comprendre et qu'ils peuvent traiter de mensonges. Donc ça c'est l'exemple que je disais tout à l'heure, par exemple, de dire qu'il ne faut pas penser que de parler aux gens des questions de manhaj ou de aqida ou des noms et des attributs d'Allah, que ça c'est quelque chose qu'ils ne sont pas capables de comprendre. Non, ils sont capables de le comprendre, et donc il ne faut pas avoir peur de les mentionner, ces textes-là. C'est comme le cheikh Najmi, il a reçu une réponse anonyme ou un nasiha, un conseil anonyme de quelqu'un. Et dans cette nasiha, dans ce conseil-là, la personne qui s'adressait au cheikh Ahmed al-Najmi disait au cheikh de ne plus parler des questions de groupe ou de jama'at et de hizbiya et des trucs comme ça, et que les gens ne sont pas capables de comprendre ces choses-là, c'est trop compliqué pour eux, et ainsi de suite. Et le cheikh, il a répondu en disant non, c'est faux. Les gens sont, c'est pas vrai que les gens sont pas capables de comprendre. Les gens sont capables de comprendre ça parce que je m'adresse à des gens qui ont une raison, des gens qui comprennent la langue arabe, et je m'adresse à eux en langue arabe, donc ils sont capables de comprendre ces questions-là. Et il y en a aussi qui disaient par exemple, Suleyman, pourquoi tu parles de ces choses-là à des gens qui sont non arabes? Ils comprennent même pas l'islam, ils parlent même pas l'arabe, parle-leur pas de ces choses-là. Donc, c'est comme si pour eux, le fait que quelqu'un soit non-arabe et qu'il ne comprenne pas l'arabe, ça veut dire qu'il ne peut rien comprendre de la religion musulmane. Et il y en a des musulmans qui ont cette mentalité-là, que tous les gens qui sont soit non-arabes ou soit convertis, sont des gens qui ne peuvent rien comprendre de la religion musulmane. Oui, ils disent, ce sont des ignorants de toute façon. D'accord? Donc, ils ne vont rien entendre ou rien accepter de quelqu'un qui est converti ou de quelqu'un qui n'est pas arabe, si eux, ils sont arabes, d'accord? Et ça, c'est dû, bien entendu, à l'arrogance et à la fierté et à l'ignorance, en fait, hein, qu'ils ont dans leur cœur, parce que la science ne se limite pas du tout à une origine ou une ethnie ou à, par exemple, une langue. Quelqu'un qui n'est pas arabe peut avoir une compréhension de l'islam qui est beaucoup plus avancée que quelqu'un qui parle la langue arabe mais qui n'a pas étudié l'islam, hein? Exactement. Il y a des livres, alhamdoulilah, qui ont été traduits. Et comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, rubba hamil fiqh laysa bi faqih wa rubba hamil fiqh yahmiluhu ila man huwa afqah minhu. Peut-être que tu vas mémoriser une science et quelqu'un la comprend mieux que quelqu'un d'autre la comprendra mieux que toi, ou peut-être tu vas dire quelque chose à quelqu'un, il va comprendre mieux que toi cette parole là donc la compréhension c'est une chose, et la science c'est une chose, de connaître, de la savoir, la parole, c'est une chose, de savoir le hadith, c'est une chose, mais de le comprendre, c'est autre chose. Peut-être que toi, tu connais le hadith, et la personne à qui tu t'adresses, il ne connaît pas le hadith, mais toi, tu le lis, le hadith, tu ne le comprends pas, et lui, il l'entend, il le comprend. Parce que Allah lui donne la compréhension de ce hadith. Oui, parce qu'il a d'autres connaissances de l'islam qui lui permettent de comprendre le contexte de ce hadith-là, et qui l'aide à le comprendre mieux que toi. D'accord? Donc, de ne pas dénigrer les gens par rapport au fait que ce sont des non-arabes ou du fait que ce sont des convertis. Parce que les sahabas, ce sont tous des convertis, hein. Et il y avait plein de non-arabes parmi les sahabas, et il y avait plein de non-arabes parmi les ulama de l'islam, hein. L'imam al-Bukhari, l'imam muslim, hein, l'imam Abu Daoud, hein. Et tous ces grands imams, là, ce sont pas des arabes. Et non, c'est arrivé que j'ai subi ça. Surtout au début, quand je commençais à apprendre un peu l'arabe, c'est toujours l'attitude de dénigrement, là, c'est comme dire, ah, mais t'es pas arabe, donc, tu vas pas venir m'apprendre quoi que ce soit, écoute, hein. moi mes ancêtres étaient musulmans, toi tu viens de te convertir, là tu vas pas me donner des leçons. Hein. Puis il y a aussi l'attitude aussi que par exemple par la suite, c'est comme par exemple de dire combien il y a des gens comme ça, c'est du fait qu'ils sont nés musulmans, dans des familles musulmanes, il y en a une fois qui m'a dit ouais mais moi je suis à 100% musulman, hein. Comme si en voulant dire, parce que je suis né musulman, né dans une famille musulmane, donc il est 100% musulman, même s'il ne pratique pas, même s'il n'a pas étudié l'islam, ce n'est pas grave, mais quelqu'un qui est converti, il n'est pas 100% musulman, lui, il est moins. Hein. Puis bon, mais aujourd'hui, aujourd'hui, est-ce que je subis ça? Et allez, aujourd'hui, peut-être parmi, de la part de certains, oui, ça se peut, mais c'est souvent des gens qui sont ignorants. Yani, ils vont dire ça, et moi je le sais par exemple, yani, je prétends pas que j'ai un arabe yani, de haut niveau, mon arabe est simple et minimum, yani, je me débrouille en arabe, alhamdoulilah, je fais mon possible avec le peu que je possède, mais c'est pour dire, je l'ai étudié un peu en Arabie Saoudite à l'université islamique, et ça m'a permis de m'approfondir un peu plus dans ma compréhension de la religion musulmane. Maintenant, yani, celui qui dit qu'il connaît mieux l'arabe, alors qu'il vienne m'enseigner, hein, ou bien qu'il enseigne à ceux qui ne connaissent pas, c'est tout, hein, mais de venir dire aux gens tu connais pas l'arabe, hein, alors, hein, ou à la langue arabe. Ah non, c'est ça, c'est que vraiment, il y a des gens qui pensent que le fait d'être arabophone de naissance, hein, né dans une famille arabe, ça veut dire que ouais, ça veut dire qu'ils pensent qu'ils connaissent la langue arabe. Et pourtant, l'arabe du Coran et l'arabe des hadiths, c'est un arabe totalement différent de l'arabe qui est parlé dans la rue par les gens. D'accord? Donc peut-être que quelqu'un, même quelqu'un qui est arabophone, qui a étudié l'arabe, il va lire les hadiths, il va pas comprendre. La preuve, même, il y a des livres écrits par des savants d'islam pour expliquer des termes dans les hadiths. Que même si tu regardes dans un dictionnaire d'arabe moderne, tu vas pas trouver la signification de ces hadiths-là. Donc il faut te retourner à l'explication des savants de l'islam pour le comprendre. Donc on va s'arrêter ici, inchallah, pour aujourd'hui. Puis on continuera la semaine prochaine. Mais c'est juste pour dire à ce sujet-là, en fait, juste pour terminer, c'est que je parle en particulier pour les frères qui sont non-arabes, puis en même temps aussi pour les convertis, en général, de pas se laisser intimider par les gens qui agissent de cette façon-là, puis en même temps aussi de pas se laisser décourager non plus, de faire des efforts pour apprendre l'arabe, de faire des efforts pour apprendre l'islam, parce que qu'est-ce qui se passe ici, c'est que les convertis puis les gens qui veulent apprendre l'islam, ils espéraient voir de la part de leurs frères et de leurs sœurs qui viennent des pays musulmans, ils espéraient de voir de leur part un exemple et un comportement et une connaissance, une attitude qui les encourage dans leur foi et dans leur religion. Et malheureusement, parfois, qu'est-ce qu'on remarque, c'est que ils viennent dans les pays de Kufr, non pas pour montrer aux égarés et aux gens perdus et aux ignorants la bonne voie, en particulier parmi les non-musulmans, de leur montrer la guidance, mais ils viennent, parfois c'est pour suivre les non-musulmans dans leur égarement. Donc ça c'est l'égarement, tu vois des gens qui viennent avec la lumière, t'imagines, toi tu viens, t'as une lumière et eux sont des aveugles, et toi au lieu de suivre la lumière que t'as, de te guider sur le droit chemin, tu les suis dans leur aveuglement. Alors ça veut dire qu'on a renversé la chose à l'envers. Et parfois même, il y a des musulmans qui viennent dans les pays de Kufr, et ils viennent pour faire le désordre dans les pays de Kufr. Ils sèment le désordre sur la terre. Au lieu de venir réformer et amener le bien. Hein? Donc, ils doivent savoir qu'ils ne peuvent pas s'échapper d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et puis que Allah subhanahu wa ta'ala, sa puissance, elle n'est pas seulement dans les pays musulmans, sa puissance, elle est partout dans l'univers. Hein? Donc on va s'arrêter ici, Inch'Allah. Hein? On discutera. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.